les gars, enfin ce qu'il reste, tu vois, ça va, ça vient, ça revient, ça va. C'est comme ça, tout le monde se barre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est des rescapés ou personne. C'est comme ça, c'est comme ça. Les potes, ils m'ont craché dessus, cher la main des orties, ils mériteraient que je pisse dessus. J'ai enterré l'amitié, victime de la pérésina. Je m'entourais de gens de valeur, moi pour des potes je les inais pas. Mais il est fini le temps d'Ali Babar et les 40 branleurs. Dorénavant, t'avances seul ma gueule. Y'a personne pour le soutien, mais tellement de monde pour devoir tomber. La guide c'est un menteur, dans ce monde la haine a abondé. Moi je kiffais le sol, ou le micro pour trouver les bases. D'ailleurs Popov, pourquoi tu pars alors que c'est toi qui as trouvé le place. Tu sais cousin, je voulais que tu fasses des textes à toi. Pas que tu changes et que tu pars pour des parties. Baise à trois. Si l'amour rend aveugle, l'amitié t'arrache le cœur. On s'entraîne à se blesser, hémorragie intérieure. Une bande de potes qu'on a tous niqué tour à tour. Et du mal à me relire, l'histoire s'écrit par des ratures. L'amitié tombe de la falaise, prend connaissance de ce qu'on ressent. De l'équipe y'a plus que des braises qui partent en fumée comme l'encens. On a perdu l'entente, qu'il sait nos forces d'antan. Fini les soirées à 30 où on sortait par tous les temps. L'horloge nous a rattrapés, ouais l'effectif a diminué. Une bande s'est écroulée comme une pyramide de domino. Je dénonce l'amitié prête, c'est comme ça les chemins. Vas-y trace ta route frère, un jour peut-être on se reverra. Rénavant c'est plus pareil, on serre plus les coudes mais les mains. D'un petit sourire on s'appareille, à dans un mois mais plus à demain. Ni avec la dit, les potes sont plus des connaissances. Et moi je leur dis, en soulignant ce manque de présence. Qu'est-ce que tu veux c'est la vie, et ces chemins qui diffèrent. Tout comme les avis, les envies, c'est une divergence qui se prolifère. Quoi qu'il en soit, j'ai kiffé ces années passées. Mais ce qui me déçoit, c'est que les critiques est tout cassé. J'ai cru tout ce monde honnête, apparemment j'aurais pas dû. Comme une commère derrière la fenêtre, les langues de pute nous tirent dessus. Si c'est ça l'amitié, alors j'ai beaucoup de potes. Mais non, ils me font pitié, alors je les laisse à la porte de mon estime. De ceux que je qualifie de proches, je l'avale pas 10 centimes, je préfère les garder dans ma poche. Plus on est, plus on rit, ce dicton je n'y crois plus. Le noyau du rat pourri, de faux amis, je suis repu. L'amitié tombe de la falaise, prend connaissance de ce qu'on ressent. De l'équipe y'a plus que des braises qui partent en fumée comme l'encens. On a perdu l'entente, qu'ils faisaient nos forces d'antan. Fini les soirées à 30 où on sortait par tous les temps. L'horloge nous a rattrapés, ouais l'effectif a diminué. Une bande s'est écroulée comme une pyramide de domino. Je dénonce l'amitié traite, c'est comme ça les chemins se séparent. Vas-y trace ta route frère, un jour peut-être on se reverra. Yak, dis-moi, j'ai l'impression d'être un intrus. Je t'ai tendu la main, mais on ne partage que des instrus. Rogner tout notre passé n'est pas forcément héroïque. Amico Familia était un son très ironique. Tu sais ma gueule, je regrette vraiment la grande époque. Celle où nos fusils n'auraient jamais changé d'épaule. On choisit pas sa famille, mais trop souvent ses camarades. Y'a du monde pour l'apéro, mais plus personne quand ça canard. Tu te fais passer pour mon frère, mais tu bourlingues à droite à gauche. Tu te fais passer pour ce que t'es pas, s'te plaît parle en roi d'ado. Je me rends compte que l'amitié, c'est un peu des phrases tout bêtes. Que quand l'amour débarque, c'est un peu pour niquer la fête. En fait, toute cette perte de temps me désole. Jusqu'à preuve du contraire, un seul ami vaut mieux que 10 salopes. Le dos tourné, ça veut baiser ta go. Mais tu te rends compte qu'avec ce trait, y'en a pas un qui va plier sa go. Alors, ne venez pas me parler de solidarité. On a brisé ce qu'on a construit, moi je suis seul en vérité. L'amitié tombe de la falaise, prend connaissance de ce qu'on ressent. De l'équipe, y'a plus que des braises qui partent en fumée comme l'encens. On a perdu l'entente, qu'ils faisaient nos forces d'antan. Fini les soirées à 30 où on sort par tous les temps. L'horloge nous a rattrapés, ouais l'effectif a diminué. Une bande s'est écroulée comme une pyramide de domino. Je dénonce l'amitié traite, c'est comme ça les chemins se séparent. Vas-y trace ta route frère, un jour peut-être on se reverra. Et y'a ces potes qui changent pas même quand les souviennent. Cet ami qui me trahit, que je finis par haïr.